Histoire numéro 14. Schéma Israël. J'ai bien peur, monsieur Sholem Aleichem, que le prochain récit va mettre un terme à nos mille et une nuits. Les Juifs qui voyagent avec nous en troisième classe prétendent que nous allons arriver tantôt en Amérique, que leur prière arrive directement à l'oreille divine. Bien que, pour ma part, je l'avoue, je ne suis pas des plus croyants. Nous nous balançons depuis si longtemps maintenant que j'ai du mal à croire qu'il existe vraiment une terre qui s'appelle l'Amérique. Mais s'ils ont raison et que l'Eldorado est en vue, alors je vais devoir raccourcir un peu mon histoire. Sinon, nous risquons de nous arrêter au milieu. Et où irai-je vous retrouver à New York? Que préférez-vous? Que je continue à vous lire les lettres de mon Shmuel Moshe, qu'il écrivait sur le front? Ou que je fasse un résumé et c'est tout, comme nous aimons ça, vous et moi? Le résumé, ce n'est pas un problème. Comme on dit, trois choses, deux mots. Ésaü, que ses os pourrissent, on peut le dire en public, et pas entre quatre yeux. Il ne manque pas de force, ni de maîtrise, ni de bravoure, ni de puissance. Mais tout ça, chez lui seulement. Ça marche quand il doit réprimer une révolte de Polonais, mater des moudjiks récalcitrants, faire avorter une révolution, organiser un bon pogrom contre les Juifs, ça, il s'y entend. Mais quand il doit faire la guerre en dehors de chez lui, même à deux pas de sa frontière, alors là, il tient plus du clafoutis avec la crème en bas. On peut lui appliquer la formule que le Midrash emploie à notre propos à nous, les Juifs. Pourquoi le peuple d'Israël est-il comparé à l'olive? De même qu'on ne peut obtenir de l'huile sans frapper, cogner et casser les olives, de même on ne peut amener les Juifs à faire le bien qu'en les tourmentant. Il vous plaît, mon Midrash? De toute façon, l'autre, là, il y a quand même des moments où il gagne la bataille. C'est assez rare, mais ça arrive. C'est d'ailleurs dommage. Voici l'histoire. Je ne sais comment cela est arrivé, mais il se trouve que le tsar s'est jeté comme un fou sur l'Allemand, l'a pris en tenaille et a coincé toute une armée entière, avec son artillerie lourde, ses munitions et tout le reste. Mon Shmuel Moshe prétend avoir été le premier à faire prisonnier un officier qui s'est rendu avec tout son bataillon. Mais si vous croyez que le Kaiser se rend si facilement, alors attendez un peu, vous allez voir. Mon gamin raconte ça dans sa lettre. D'abord, on s'est battu, encore battu, toujours battu. On a disposé des canons et on s'est tiré dessus. Tu tires sur mon rabbin, je tire sur le tien. Ensuite, on fait feu avec des mitrailleuses lourdes. Plus on se rapproche les uns des autres et plus on utilise l'arme légère. Tout le monde tombe comme des mouches des deux côtés, puis à la fin, c'est marre. Même la viande hachée à la fin, c'est marre. On s'achève mutuellement à la baïonnette, au poignard, à main nue, à coups de pied, même avec les dents, sans se gêner. Quand les gens n'en peuvent plus de fatigue, de souffrance, de faim, de sommeil et de colère, quand la vie se limite à un tas d'ordures, on a l'impression d'avoir affaire à des loups affamés. Pire que ça, même. La bête féroce, quand elle a faim, elle vous saute dessus et vous dévore. Mais quand elle est rassasiée, elle se tient tranquille. Mais l'homme, quand il tourne sauvage, il ne peut pas s'arrêter. Plus il voit du sang, plus il va en verser. Nous nous jetons les uns sur les autres et nous tranchons les têtes comme on coupe les choux. Nous nous poignardons comme on égorge les cochons et le sang gicle de partout. Nous n'avons pas le temps de nous demander ce que nous faisons là, pour qui, pourquoi. Pas le temps de penser que peut-être je frappe mon propre frère. Et la preuve, la voilà. Nous nous détripaillons mutuellement au sabre et au couteau. Tout d'un coup, devant moi, un officier allemand, les yeux hagards, la figure gonflée, s'apprête à m'embrocher. Je vais me jeter sur lui, à l'arme blanche, et pour le transformer en passoire. L'autre s'en aperçoit, et au lieu de reculer, il fonce vers moi, et comme un désespéré, le voilà qui hurle en hébreu « Shema Israël !»« L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un !» Les bras m'en tombent à moi. Moi, je n'ai jamais été tellement dans ce truc-là, la tradition, tout ça. Mais sans même y réfléchir, je m'entends déclamer « Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux !» Et l'autre, qui jette son arme et me saute au cou. L'ennui, monsieur Sholem Aleichem, c'est qu'on est juif. Et les juifs, ils ont des ennemis. Un simple caporal qui passait par là va raconter la chose en haut lieu. Il témoigne qu'il a vu, de ses yeux vus, Mon chemul Moshe, qui s'embrasse avec un officier allemand et échange quelques paroles en didovska. Alors là, il y a un problème. C'est la guerre, comprenez-vous? Une, deux, trois, pas de défense, pas de témoin, jugé, condamné et fusillé dans les 24 heures, un point, c'est tout. Je dois interrompre ici mon récit. Non que je sois un mauvais homme qui refuse d'assouvir votre curiosité, non. Seulement, il se trouve que cette lettre était la dernière. Plus rien, comme s'il avait coulé dans l'eau. Maintenant, il y a des gens qui prétendent savoir. Savoir quoi? Alors là, ça dépend. Il y a deux variantes. Il y en a qui racontent des aventures de romans feuilletons, comme quoi le fils à Jacob Yonever est parvenu à échapper à ses tortionnaires et à se sauver. Quand on a pointé les fusées sur lui, on lui a demandé « Alors, jeune homme, est-il vrai que toi, Shemuel Moshe, fils de Jacob Yonever, tu as fait ami-ami avec un officier allemand que tu avais fait prisonnier et que vous avez parlé ensemble Pajidovska ?» Il a réfléchi. S'il nie, il y aura toujours quelqu'un pour dire que si. Et cela le coulera complètement. S'il dit la vérité, ils trinqueront tous les deux. Alors il décide d'avouer, mais de changer le sens des paroles échangées. Il s'adresse à ses juges. Je vais vous dire ce que l'Allemand m'a dit. Schéma Israël, etc. Cela veut dire, je me rends avec tout mon bataillon. Moi, je lui ai répondu, béni, etc. Cela signifie, puissent tous vos bataillons faire de même. Ils ont écouté et finalement ils ont déclaré, n'importe qui à ta place aurait droit à une balle dans la tête. Qui peut comprendre vos paroles de Jidjid que vous êtes seul à piger? Mais comme tu as trois Saint-Georges sur la poitrine, alors on te croit. Ainsi, il l'aurait libéré, le gamin se serait sauvé en Amérique. C'est ce que prétendent les gens qui savent. Mais d'autres affirment que cela s'est passé un peu autrement. Mais on lui aurait expliqué que l'Allemand et lui ne se sépareraient plus jamais. Et on leur aurait donné la même corde pour se pendre avec. Mais moi, je préfère ne pas penser à ça, sinon à quoi bon me rendre en Amérique? Pourquoi continuer à vivre? Ne vaudrait-il pas mieux me foutre à l'eau tout de suite? Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je m'appelle Jacob Yonever. Eh, regardez! Tout le monde se précipite sur le pont pour voir. Nous arrivons en Amérique, non? Allez, donnez-moi la main, monsieur Sholem Aleichem, et promettez-moi d'oublier tout ce que je vous ai raconté jusqu'au dernier mot, hein? J'ai entendu tellement d'horreurs chez les voyageurs de troisième classe que je comprends bien que je ne suis pas le seul client du Saint béni soit-il. Comme on dit, je ne suis pas le seul mâle à Moscou. Allez, portez-vous bien et ne m'en veuillez pas trop. C'est ainsi que se terminent les histoires de chaos de Sholem Aleichem.